T'as remarqué que les manifs, c'est tout à Montréal? Il se passe rien en dehors. Là. Je pense qu'il était 50 hier à Québec. Là, c'est fini. Puis en région, 0000, open bar. Tout à Montréal. Il y a beaucoup de gens à Montréal, et c'est un fait, qui viennent d'ailleurs. Okay? Notamment du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de pays où ça brasse, où il y a des dictatures, etc. Ça se peut-tu qu'ils arrivent ici, puis ils amènent avec eux un fort ressentiment, et je le précise, probablement justifié, de haine et de colère envers l'oppression, mais il manque juste un petit peu de réalisme. On pourrait être bon, mais c'est tout des Québécois là, que je vois, là, honnêtement, dans tout ça.